Bonjour et bienvenue sur le podcast Léviathan. Pour cet épisode, nous avons décidé de beaucoup nous pencher sur les États-Unis pour les questions d'actualité, étant donné que ceux-ci ont été très actifs ces derniers temps. Nous allons donc étudier la question du retrait des troupes américaines de la Syrie, leur programme spatial qui commence à être concurrencé par la Chine, ainsi que le sommet avec la Corée du Nord. Pour le grand dossier, nous allons parler de la question énergétique et sécuritaire en Afrique du Nord avec Yann Parry, fondateur du site Les Cartes du Monde, qui nous exposera la situation. Alors, pour le premier sujet du mois, on va s'intéresser aux États-Unis et à leur potentiel retrait de la Syrie. Carolina, est-ce que tu peux éclairer nos lanternes sur ce sujet-là, s'il te plaît ? Alors, comme il est devenu habituel pour le président Trump, ainsi que pour petit à petit d'autres politiciens, les grandes annonces politiques se font à travers Twitter. C'est ainsi que le 19 décembre, le monde des réseaux sociaux a pu apprendre par le président américain que Daesh avait été détruit en Syrie, et donc que les troupes américaines allaient, et je cite, « revenir et revenir maintenant ». Il considère que de cette façon, il sera en train de tenir une de ses promesses de campagne. Trump semble initialement avoir pris ses décisions après des conversations avec Erdogan, dans lesquelles il se serait mis d'accord sur la passation entre l'un pays et l'autre. Mais finalement, et comme tu l'as dit de manière assez habituelle avec Trump, il y a d'autres annonces qui sont venues contredire la première. Exactement. À la base, il avait donné un maximum de 30 jours pour que les troupes soient de retour. Puis finalement, il a changé ce délai jusqu'à 4 mois. Par la suite, il a annoncé n'avoir jamais affirmé que le délai allait être court ou long, n'ayant plus maintenant de date spécifique en fait. On ne sait plus où en est la question. Le 7 janvier, il affirme que les troupes américaines se retireront à un pas correct, tout en continuant de combattre Daesh et en étant prudent. C'est quand même extrêmement confus, à la fois ce mélange de déclarations contradictoires et de déclarations très très obscures. Pourquoi est-ce que la position américaine est si difficile à tenir ? Et d'ailleurs, en fait, quelle est la situation en Syrie aujourd'hui ? Parce qu'on en entend quand même un peu moins parler qu'il y a quelques mois. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte par rapport à la situation en Syrie et à la position des États-Unis par rapport à la question. Donc, tout d'abord, M. Trump a affirmé que Daesh avait été détruit, ce qui n'est pas le cas. L'organisation a été très fortement affaiblie. Et même, finalement, le président Trump est revenu en arrière sur ses propos, comme je l'ai évoqué juste avant. Et d'ailleurs, il nie qu'il est revenu en arrière sur ses propos. Et il affirme que, du coup, les troupes américaines allaient continuer de combattre Daesh. L'organisation a en effet perdu une grande partie du territoire qu'elle avait acquis. Mais en août 2018, il y a eu des rapports du gouvernement américain ainsi que des Nations Unies qui estimaient qu'il y aurait encore environ 30 000 combattants pour Daesh en Syrie et en Irak. Et puis, il faut aussi prendre en compte que les méthodes de cette organisation sont loin de s'arrêter à la simple question territoriale, puisque c'est justement de cette façon qu'ils ont pris de la force, surtout dans les années 2014 et 2015, où ils avaient le plus de territoire. Et donc, ce n'est pas impossible de voir par la suite une résurgence du groupe. Puis, parallèlement à cette question, à cette situation, nous avons la question des prisonniers qui appartiennent à Daesh. Dans le camp américain, il y a plusieurs combattants emprisonnés et beaucoup sont de nationalité européenne et américaine, sachant que les pays originaires de ces combattants ne semblent pas enclins à les recevoir, pour des questions évidentes. Et les relâcher, d'un autre côté, serait évidemment contre-productif. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette question, puisque c'est une question qui risque d'être évoquée dans un futur proche, très proche, de notre émission. Wow, ok, cliffhanger, Carolina. Moi, je dis, c'est digne des meilleures séries Netflix. Les gens, ils vont attendre avec impatience notre prochain épisode. On ne dévoile pas tous nos secrets, quand même. Donc, reprenons. Par rapport à la question américaine, il y a aussi à prendre en compte le point de vue logistique. Le président avait donc affirmé qu'en 30 jours, les soldats seraient de retour, ce n'est juste pas réalisable d'un point de vue logistique, sachant que les Américains ont un minimum de 2000 soldats en Syrie. Il faut rajouter à cela tout le matériel qui est en place, non seulement militaire mais aussi civil, puisqu'ils ont même de la restauration rapide sur place. Il faut aussi savoir que du point de vue militaire vis-à-vis des armes, Ils doivent totalement s'assurer que plus aucune arme ne reste sur place, au risque de tomber dans les mains ennemies. Donc les armes ainsi que les munitions doivent toutes être soit emballées, soit détruites, soit données à des alliés. Toutes ces questions, et puis d'autres évidemment, impliquent une organisation qui ne peut juste pas avoir lieu en 30 jours, et même difficilement en 4 mois, dépendant de la situation sur place et aux environs, enfin situation sécuritaire et autres. Enfin, il faut aussi tenir compte que les États-Unis ont aussi d'autres intérêts sur place que juste la question de Daesh, contrairement à ce qu'a affirmé Donald Trump. Il y a la question de l'Iran, qui est dans la région, et qui est très importante pour les États-Unis, qui se sont d'ailleurs retirés l'année dernière de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Maintenir une présence en Syrie, c'est un moyen pour les Américains de garder un œil sur les Iraniens, lesquels ils considèrent comme une force déstabilisatrice dans le pays et dans la région. Et puis, on va aussi en venir à la question des Kurdes, qui sont considérés comme des terroristes par la Turquie, tandis que sont des alliés des États-Unis, et c'est une alliance qui s'est formée pendant la guerre en Syrie. Et en fait, si les États-Unis venaient à laisser leur place exclusivement aux Turcs, comme ils en auraient parlé à Trump et Erdogan, et le futur des Kurdes serait mis en danger. Il y a aussi un dernier enjeu qui est justement la question de qui va remplacer les États-Unis si ceux-ci se retirent. C'est le cœur du problème de la présence américaine dans le pays, qui était déjà sur la table à l'époque d'Obama, ça ne date pas de maintenant. Se retirer signifie soit tout laisser aux mains de Daesh et leur laisser une chance de ressurgir, soit tout laisser aux mains de Bachar el-Assad, qui est lui très proche de l'Iran. Donc c'est probablement pour cette raison qu'Erdogan a eu autant d'influence sur le président Trump, en apparaissant peut-être un peu comme une solution parfaite en fait. Comme nous l'avons évoqué pendant l'épisode précédent, en parlant de la question du traité FNI et de la volonté de retrait des États-Unis de ce traité, c'est son conseiller en sécurité, John Bolton, qui semble être un des seuls dans l'administration Trump à être capable de se faire écouter, voire même d'influencer les décisions du président. Pour cette question aussi, ce fut lui qui semble en partie avoir calmé le jeu, en rappelant les enjeux au président, notamment en rapport avec l'Iran et les Kurdes, question sur laquelle il a voulu revenir avec les officiels turcs en affirmant que les États-Unis ne se retiraient pas jusqu'à ce que la sécurité des Kurdes soit assurée. Mais il me semblait que les Turcs avaient demandé le 8 janvier à ce que les Américains leur passent, enfin leur prêtent 16 de leurs bases militaires en Syrie, au nord de la Syrie en fait. Oui, effectivement, et je pense que c'est ce qui a dû faire partie un peu de ce qu'ils avaient parlé entre les présidents des deux pays. Mais après, la situation s'est un petit peu plus compliquée, non seulement dû au fait que le président Trump soit un peu revenu en arrière sur ses propos, mais aussi justement à cause de la situation des Kurdes, qui, quand Bolton, par exemple, a affirmé ne pas vouloir retirer les troupes pour garantir leur sécurité, Erdogan a affirmé qu'il avait commis une grave erreur. Donc, à un moment, il semblait être très proche, et puis il y a eu la question des Kurdes qui a compliqué à nouveau les relations entre les États-Unis et la Turquie. Donc, un mois après cette annonce, où en est la situation? Je préfère faire un résumé rapide maintenant, après avoir expliqué tout le reste, puisque comme vous pouvez voir, la situation a été tellement changeante que c'était plus clair de cette façon. Donc le 11 janvier, il s'avère que finalement les États-Unis ont commencé le processus de retrait du sol syrien, tandis que leurs alliés ne s'y attendaient pas, étant donné que le président avait notamment rallongé la date pour le faire et qu'il n'avait pas donné de date précise. Mais selon les rapports du département de défense américain, pour l'instant, il n'aurait retiré que du matériel. Ce n'est malheureusement pas surprenant qu'ils n'aient pas prévenu leurs alliés. D'ailleurs, j'ai lu dans la presse que Trump et Macron s'étaient appelés au sujet de la Syrie et que la France n'est absolument pas pour un retrait américain. Mais ce n'est pas le peu d'attachement que Trump a pour l'Europe qui pourrait le faire changer d'avis. Ce qui montre bien que c'est une décision qui est finalement très unilatérale, peut-être même dans son propre camp. Oui, clairement, enfin, ça reste un peu finalement, dans la logique de la politique de Trump, qui est très unilatérale et qui est un peu imprévisible. Les Américains ont, en outre, affirmé qu'il ne participerait pas à la reconstruction du pays si l'Iran y est toujours présent, ayant ainsi trouvé un moyen de pression, même avec le retrait de leurs troupes. Mais cela reste extrêmement improbable que l'Iran retire ses troupes et même son influence de façon générale du pays. Les Kurdes, de leur côté, se sont tournés vers la Russie, ayant peur du futur que le retrait américain leur réserve, même s'ils n'ont pour l'instant obtenu aucun accord. Ce qu'ils souhaitent serait de rendre le territoire qu'ils contrôlent depuis 2012 à la Syrie, et en retour, ils demandent une certaine autonomie, en fait. Le président Trump, lui, s'est finalement décidé à s'exprimer sur la question des Kurdes, puisque avant, ça avait juste été son conseiller Bolton, dans un nouveau tweet datant du 13 janvier, dans lequel il affirme que les États-Unis, et je cite, « anéantiront la Turquie économiquement s'ils attaquent les Kurdes ». Donc disons que là, ça a été un grand retournement de situation par rapport à même pas un mois avant, où la situation entre les deux pays semblait être pas mal différente. Bon, nous pourrions aussi faire tout un épisode sur la stratégie Trump de s'attaquer économiquement aux pays qui ne se plient pas à ses volontés, notamment en termes de politique extérieure, mais je vais laisser cette question pour une autre fois. La menace n'a dans tous les cas pas été prise au sérieux par le président Erdogan, qui affirme que la Turquie ne se laisserait pas intimider. D'ailleurs, en parlant de déclarations récentes, le 16 janvier, date à laquelle Daesh a frappé Manji, une ville kurde proche des frontières turques, qui a fait plus de 14 morts, dont 4 Américains, a déjà remis en cause la déclaration de Trump qui disait que Daesh était mort. Mais surtout, ça a été assez étonnant parce que quelques heures plus tard, Mike Pence, qui est le vice-président, a tout de même répété que le califat s'était effondré et que Daesh avait été vaincu. Et ça, après que 4 Américains étaient tués en Syrie. Oui, honnêtement, parfois j'ai juste un petit peu de mal à comprendre, malgré tout, leurs objectifs ou leur point de vue, qui est très différent de ce dont on est habitué malgré tout en Europe, et même en réalité avec d'autres politiciens américains. C'est vrai que c'est des situations un peu exceptionnelles à des moments. Et d'ailleurs, il a souligné qu'avant cette attaque, il n'y avait eu que 2 autres Américains tués sur le sol syrien depuis 2014. La réaction du président Trump a aussi été quasiment inexistante, simplement en donnant ses condoléances lors d'un de ses discours qui a eu lieu un peu plus d'un jour plus tard. Donc pour résumer, la question semble être assez floue pour l'instant. Nous savons que le président Trump veut retirer ses troupes de Syrie, processus qu'il semble avoir député. D'un autre côté, il veut garder un œil sur les Iraniens et faire en sorte qu'ils sortent également du pays. Ensuite, il y a la question des Kurdes, envers lesquels il semble maintenant vouloir s'assurer de leur protection. Mais il est aussi très proche des Turcs, lesquels il a menacé de sanctions économiques. Sans parler du fait que, clairement, Daesh n'a pas été réellement détruit. Donc, disons que, en gros, les diplomates américains risquent d'avoir beaucoup de travail les prochains temps. De continuer d'avoir beaucoup de travail les prochains temps. Oui, et puis pour conclure et fermer la question de la Syrie, il serait intéressant de se poser plein de questions, et surtout la question de l'après-États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait de Bachar el-Assad, sachant que les Russes et les Occidentaux sont pas d'accord sur la question? Est-ce qu'on va aider les Syriens à reconstruire leur pays ravagé par la guerre? Ou est-ce qu'on va laisser la situation s'envenimer comme on l'a déjà vu faire dans le Moyen-Orient? On attend la réponse à toutes ces questions avec un peu d'appréhension, avec les yeux rivés sur les États-Unis, la Syrie, mais aussi la Russie. Alors maintenant, on va passer à un nouveau sujet et on va vous parler d'espace, parce que ce mois-ci, la Chine s'est posée sur la face cachée de la Lune, une première dans l'histoire de l'humanité. Et en parallèle, les États-Unis continuent leur mission autour de Pluton et délivrent des clichés à la fois magnifiques, en plus de recueillir un nombre d'informations absolument immenses et qui sont nécessaires à l'élaboration de la science dure et à la compréhension de l'univers. Comme aucune d'entre nous n'est ingénieur ou docteur en astronomie, nous avons donc décidé de vous parler de l'importance géopolitique de l'exploration spatiale et pas de la science en soi. Oui, parce que sinon on dirait surtout beaucoup, beaucoup de bêtises. L'exploration et la conquête spatiale, c'est un rêve très très ancien de l'humanité. Combien de livres avez-vous lus, combien de films avez-vous vus qui vous parlent du futur de l'humanité dans les étoiles? que ce soit des rêves de colonisation ou simplement d'observation, l'humanité est attirée par les étoiles. La Terre est devenue minuscule, tout a été exploré, à part peut-être les profondeurs marines. Et si l'on en croit cet imaginaire collectif, l'avenir de l'humanité se trouve ailleurs. Mais en fait, son présent est déjà ailleurs, il est déjà dans l'espace, qui joue un rôle omniprésent dans la connaissance de notre planète, dans les communications, les systèmes GPS, Internet, la défense, la science. Soyons honnêtes, on va pas faire le tour du sujet en 10 minutes, mais on va essayer de l'introduire. Avec un peu de chance, un de nos futurs invités consacrera un grand dossier à l'espace. Alors, pourquoi se lancer dans de tels projets? Qu'est-ce que ça rapporte aux États? Alors, l'exploration ou la conquête spatiale, tout d'abord, c'est un désir de connaissance. Comprendre le monde et l'univers, faire avancer la science. Mais tout ça, c'est pas nouveau, on se fiait déjà aux étoiles et au cycle de la Lune pour la navigation, il y a des siècles de ça. Il y a aussi une volonté de renforcer la sécurité nationale, de développer la défense. C'est l'exploration qui permet le développement de satellites, d'armes balistiques et de radars très puissants. Ça permet aussi d'améliorer la vie quotidienne des citoyens à travers des services quotidiens que nous apportent les objets mis en orbite. D'ailleurs, certains d'entre vous nous écoutent peut-être grâce à l'espace, grâce à la 4G. Ces intérêts correspondent, selon Alain Dupas, aux trois vagues d'activité spatiale. Celle de la découverte scientifique, qui a débuté avec Spoutnik en 57 et qui a connu son apogée avec l'arrivée de l'homme sur la Lune, et qui s'est poursuivie par la suite avec l'exploration robotique du système solaire et les stations spatiales habitées. Ensuite, il y a une vague de satellites militaires qui s'est formée dans les années 60, qui a vraiment grandi pendant la guerre froide et qui est toujours active aujourd'hui. Et à partir de la fin des années 90, il y a eu la vague de l'ère digitale qui est liée aux technologies de l'information et de la communication. Mais la question de l'espace, c'est pas seulement des questions pratiques comme ça, c'est aussi une question de prestige national. De l'explorateur qui démontre à la fois son ambition politique, ses capacités technologiques et scientifiques, et ses capacités économiques pour soutenir des programmes extrêmement coûteux. L'histoire de l'exploration spatiale est relativement récente, et nous allons revenir rapidement sur la période qui a marqué la course entre puissances. La guerre des étoiles de Ronald Reagan pendant la guerre froide. Oui, alors, ce qu'on oublie parfois quand on pense à la guerre des étoiles, c'est que c'est l'URSS qui a pris le rôle de leader pendant la guerre froide, parce que ça a été la première à réaliser la mise en orbite du premier satellite, donc Spoutnik, le premier homme en satellite, qui s'appelle Yuri Gagarin, j'espère que je le prononce bien, en 1961. Le fait que l'URSS ait fait tellement de premiers pas, ça a apporté un grand coup à la confiance en soi des États-Unis. Et Kennedy a déclaré, je cite, « Je ne peux pas croire que nous voulons permettre à l'Union soviétique de dominer l'espace, avec tout ce que cela pourrait signifier pour notre paix et notre sécurité dans les années à venir. » Il déclare aussi que « Si nous devons gagner cette bataille des esprits, il est temps que les États-Unis prennent un rôle clairement de leader dans les réalisations spatiales. » Le président, à ce moment-là, choisit de se concentrer sur le projet d'alunissage, parce que selon lui, il n'y a aucun autre projet spatial qui pourra, dans ce délai, être plus impressionnant pour l'humanité. En fait, l'argument pour le premier homme sur la Lune, ici, c'était beaucoup moins un argument militaire qu'un argument de prestige, pour justement se redonner confiance par rapport à l'URSS qui les battait systématiquement. Le 21 juillet 1969, les Américains Neil Armstrong et Edwin Aldrin sont effectivement les premiers hommes à poser le pied sur la Lune. Depuis, de nombreuses découvertes et beaucoup de projets ont été mis en place, dont la célèbre Station Spatiale Internationale. Mais on va faire un saut dans le futur pour arriver aux deux sujets qui nous intéressent aujourd'hui, la face cachée de la Lune et Pluton. Alors, commençons par la Chine si tu veux bien. La Chine est clairement en compétition avec les États-Unis et ce, sur de nombreux sujets. Depuis le début de l'année, la Chine a produit de la matière utile pour les journalistes, avec plusieurs événements et annonces qui se sont succédés. En tout début janvier, on pouvait lire sur quelques rares journaux un article sur une méga-bombe que la Chine aurait testée, d'après une annonce faite par le média d'État le 2 janvier. Donc. La nomination méga-bombe fait référence à la méga-bombe que les États-Unis avaient lâchée en 2017 en Afghanistan, et c'est leur plus puissante bombe non-nucléaire. Cependant, nous n'avons pas eu d'informations complémentaires sur la question, notamment quand l'explosion a eu lieu ou son rayon d'action. À peine quelques jours plus tard, la Chine a à nouveau annoncé dans un média d'État des images d'un nouveau drone furtif à propulsion qui serait capable de lancer des armes telles que des missiles anti-radiation, des missiles air-terre ou anti-vaisseaux maritimes, ainsi que des bombes de longue distance à guidage de précision. Il serait également capable de missions diverses telles que le renseignement ou d'alerter à la suppression de la défense aérienne. Mais l'information qui a réellement fait le tour du monde fut quand le 3 janvier, la Chine a été le premier pays au monde à poser un engin sur la face cachée de la Lune, qui restait jusqu'à de nos jours un mystère. Grâce à nos technologies actuelles, nous sommes passés de voir le premier homme poser un pied sur la Lune à la télévision en noir et blanc, à pouvoir voir 60 ans plus tard une photo à 360 degrés de la face cachée de la Lune. Enfin, je dis nous, mais tous les deux, on n'était pas encore nés, mais je le dis en généralisant. Oui, on n'était pas encore nés, on n'est pas si vieille que ça, on a fini nos études il n'y a pas très longtemps. Mais donc cet alunissage, avec pour nom de projet Chang'e 4, je ne sais pas du tout si je le prononce correctement ou pas, est surtout démonstratif d'un programme spatial que la Chine développe depuis de nombreuses années, et ainsi de leur volonté d'être une puissance dans le domaine de l'espace. Les chercheurs ont des difficultés à évaluer le montant que les Chinois accordent à la défense, et le problème est le même pour son budget spatial. Mais son budget en 2017 aurait été d'environ 9 milliards d'euros. C'est d'ailleurs dans ce sens que la nouvelle a été annoncée en Chine, qui, et je cite, « s'affirme comme une grande puissance spatiale ». Dans le cadre de ce projet, l'objectif est surtout celui de l'exploration de l'espace, qui pourra éventuellement être différente de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, puisque normalement, le revers sera arbitré de signaux radio provenant de la Terre, ouvrant ainsi les portes à capter de nouveaux signaux de l'espace. Cependant, pour ce type de mission, la Chine ne s'est pas positionnée seule et a fait quelques collaborations avec d'autres pays, tels que les Pays-Bas par exemple. Et quels sont les objectifs de la Chine à travers le développement d'un grand programme spatial comme ça ? Alors la Chine a de nombreux objectifs pour l'espace, un d'eux étant d'ailleurs un vol habité en 2022. Pour 2021, le pays espère pouvoir mettre en place un lanceur de fusée réutilisable et de façon générale, dans un futur proche, ils veulent devancer la NASA en préparant un lancement d'une fusée capable de porter des charges plus lourdes que les leurs. Comme je l'ai déjà mentionné, ils préparent des vols habités et même une mission d'exploration vers Mars. Philippe Coué, spécialiste du programme spatial chinois, expliquait dans Le Monde que, et je cite, « l'intérêt scientifique de la Lune pour la Chine consiste à disposer de ses propres données pour préparer ses futures missions automatiques et habitées. Connaissance des régions lunaires pour faire évoluer ses engins et pour chercher les zones les plus intéressantes à exploiter sur les plans scientifiques et éventuellement miniers. » Une nouvelle mission appelée Chang'e 5, à nouveau pas sûr de la prononciation, est également déjà en préparation et devrait être lancée cette année. Son objectif sera de collecter des minéraux et les ramener sur Terre. D'autres missions vont se suivre, dont pour collecter des échantillons et faire de l'exploration dans le pôle sud de la Lune. Outre la volonté d'hégémonie, bon, mot peut-être un petit peu fort, mais de puissance dans le domaine du spatial par les Chinois, il pourrait y avoir d'autres raisons qui les poussent à investir là-dedans. En effet, il est possible que ce soit également des matériaux précieux ainsi qu'un élément rare qui les motive, l'hélium-3, qui est un carburant idéal pour la fusion nucléaire, pouvant notamment alimenter en énergie des vaisseaux spatiaux. Le 15 décembre, la Chine a publiquement annoncé vouloir établir une base spatiale lunaire, qui pourrait possiblement être construite avec la technologie d'impression en 3D. Le pays est cependant ouvert à le faire conjointement avec la Russie, l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis, eux, ne semblent pas ouverts à des coopérations, même si le 19 janvier, le Congrès américain a approuvé une coopération entre la NASA et l'Agence spatiale chinoise en rapport avec les alunissages. C'est en réalité un petit peu délicat puisque les relations entre les deux États ne sont définitivement pas les meilleures, notamment avec la guerre commerciale et la question de Huawei. Et la NASA est sous de strictes règles, surtout par rapport au non-transfert de technologie. Une innovation de la part des Chinois a également été l'essai de faire pousser une plante sur la surface de la Lune, ce qui peut avoir une très grande influence sur la question de pouvoir faire pousser des plantes et de la nourriture de façon générale dans l'espace. Alors oui, les Chinois ont vraiment fait quelque chose d'exceptionnel avec cet alunissage et avec aussi le fait d'avoir planté des, enfin des légumes et des plantes sur la surface de la Lune. On verra ce que ça donne pour les prochains plans. Mais au-delà de la Chine et de leur capacité grandissante, parlons des États-Unis et de Pluton. En 2006, la NASA avait envoyé la sonde New Horizon afin d'explorer Pluton et ses alentours. Les premières images de la planète naine ont été délivrées en 2015. Alors, j'appelle planète naine, c'est pas méchant, hein, c'est juste que depuis 2006, je rappelle que Pluton a perdu le statut de planète, et donc on l'appelle planète naine maintenant. Il a fallu 10 ans à New Horizon pour atteindre Pluton, et sans accident, donc en gros un contact avec des débris, la sonde devrait être opérationnelle jusque 2030. En 2018, la NASA a identifié un étrange morceau de roche et de glace, et aujourd'hui, la sonde survole l'astéroïde Ultima Thule, ce qui signifie « au-delà du monde connu », à plus de 6,5 milliards de kilomètres de la Terre. C'est loin. Cet objet pourrait être le plus vieux jamais observé de plusieurs milliards d'années, au moment où s'est formé le système solaire. J'en profite pour rappeler que le Big Bang s'est estimé à plus ou moins 13 milliards d'années. Sans rentrer dans des détails que nous ne comprendrions pas, et pour recentrer le sujet sur la géopolitique, qu'est-ce que cela signifie pour les États-Unis et pour le monde d'avoir réussi une telle prouesse ? L'exploration qui a pour objectif direct la découverte scientifique d'un monde qui nous était jusque-là inaccessible, parce que 6 milliards de kilomètres, c'est quand même super loin, hein, ça permet la démonstration des capacités intellectuelles, techniques des États-Unis. Il n'y a aucun État qui pourrait à ce jour rivaliser avec eux sur l'exploration. Alors c'est vrai, et tu l'as dit tout à l'heure, que la Chine a réussi une véritable prouesse avec l'alunissage sur la face cachée de notre satellite naturel. Et il est vrai que les progrès de la Chine sont impressionnants. Mais elle n'est aujourd'hui pas encore capable de remettre en cause le statut des États-Unis comme la plus grande puissance spatiale. D'ailleurs, les autres programmes ne sont pas non plus au niveau des États-Unis. Les Russes ont un programme un peu plus limité et l'Europe serait complètement incapable de suivre le rythme de la course aux étoiles. Les autres pays ou ensembles de pays sont encore plus à la traîne. J'insiste un peu sur ce point, mais la maîtrise et la compréhension de l'espace, c'est essentiel à la défense. Ça l'était déjà au XXe siècle, ça le sera encore plus au XXIe. Quand on parle d'indépendance, de souveraineté nationale, notamment ce genre de mot qui est beaucoup utilisé dans les discours sur le nucléaire en France, mais il faut prendre en compte la maîtrise de l'espace. À qui appartiennent les satellites dont nous nous servons quotidiennement? Les images, les données GPS, les transmissions téléphoniques et Internet. Par qui ça passe? Est-ce qu'on a les moyens de défendre nos objets dans l'espace si quelqu'un les attaquait? Comment sont guidés nos missiles balistiques? Comment sont guidés les missiles de la défense antimissile? Toutes ces questions sont au cœur d'une réflexion stratégique très large, et vous allez en entendre parler pendant encore des années. On n'est qu'au début de la réflexion, on n'est qu'au début de la découverte. L'espace est indéniablement, que nous en soyons conscients ou pas, intégré dans nos vies de tous les jours et lié à la survie des nations. Point que nous avons peu évoqué, mais qui fera peut-être l'objet d'une prochaine chronique. La question des coûts est rédhibitoire. Il n'y a que les grandes puissances qui peuvent se permettre des explorations scientifiques, ne rapportant pas de capital économique direct. L'Europe en est encore très loin. Et pour rester dans le sujet des États-Unis et de leurs nombreuses actions ces derniers temps, Océane, tu vas nous parler du nouveau sommet qui se profile entre les États-Unis et la Corée du Nord. Alors c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que ça fait des mois qu'on en parle, mais qu'il n'y a rien qui se passe. Oui, alors c'est pas complètement faux. Depuis cet été, il y a des rumeurs d'un nouveau sommet qui se sont multipliées du fait des déclarations de plusieurs responsables politiques, dont Donald Trump, Kim Jong-un, mais aussi Moon Jae-in, le président de la Corée du Sud, et de Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine. Mais cette fois, c'est différent, parce que Donald Trump a déclaré le 18 janvier que le sommet aurait lieu fin février et qu'ils avaient choisi le pays hôte. Au moment où nous enregistrons le podcast, on ne sait pas encore le lieu, mais il y a trois pays qui sont évoqués, le Vietnam, la Thaïlande et la Mongolie. À moins d'un gros retournement de situation, ce qui n'est pas impossible au vu des acteurs impliqués, mais ce sommet devrait se passer et devrait arriver fin février. Mais pourquoi un nouveau sommet ? Bah, parce que le précédent n'a pas vraiment permis de régler la question nord-coréenne, ce qui est normal. Hein. En un sommet, on ne règle pas toute une histoire de conflit. La Corée du Sud et la Corée du Nord n'ont jamais officiellement signé de traité de paix pour la guerre de Corée qui a duré de 1950 à 1953. Il y a seulement un armistice qui a été signé en 1953. Et si fin avril 2018, la question de la signature d'un traité de paix a été évoquée pendant le sommet intercoréen, en fait, ça a été passé sous silence et ça a été plus ou moins oublié après la rencontre Trump-Kim Jong-un. Pour rappel, le sommet Trump-Kim Jong-un a eu lieu le 12 juin 2018 à Singapour. Ce sommet a donné lieu à la signature d'un accord qui a mis en route la question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, mais le texte était si vague qu'il ne permet pas vraiment de cadrer la dénucléarisation, d'où le besoin d'un nouveau sommet. Parce que concrètement, il dit quoi le texte ? Alors, le texte qui a été signé par les deux leaders s'ouvre sur la volonté d'établir de nouvelles relations entre les deux pays afin de promouvoir la paix dans la péninsule coréenne. Je cite, « Le président Trump s'est engagé à fournir des garanties de sécurité à la Corée du Nord et le président Kim Jong-un a réaffirmé son engagement ferme et inébranlable envers la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. » Alors, autre point qui n'a rien à voir directement avec le nucléaire mais qui fait aussi partie du texte du sommet, c'est « Les deux pays ont acté la restitution des dépouilles des combattants et prisonniers de guerre disparus. » C'était... Ça paraît relativement anecdotique, mais c'était une promesse de Donald Trump. En fait, finalement, dans le texte, les précisions qui concernent la dénucléarisation s'arrêtent là. C'est pas plus détaillé que la déclaration de... Et là, j'ai très peur de mal le prononcer, Panmunjom, du 27 avril 2018, qui a fait suite au sommet intercoréen. Là, on voit le problème, en fait. Comment dénucléariser ? Quel est le calendrier ? Quelles sont les procédures de vérification ? Quand on parle de la péninsule coréenne, est-ce que ça remet en cause le parapluie nucléaire américain qui protège la Corée du Sud ? Enfin, toutes ces questions ont été soulevées, et en fait, ce qui a été aussi soulevé avec justesse, c'est que ce texte offre encore moins de garanties ou de précisions que le traité iranien, le JCPOA, dont Trump a dénoncé les manques, et tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs, qu'il a quitté, en fait. Alors, il ne faut tout de même pas adopter une attitude anti-Trump et dire que ce sommet n'a servi à rien. Il ne faut pas passer à côté des faits, en fait. La politique américaine sous Trump a permis un réel rapprochement avec la Corée du Nord, ce que l'administration précédente avait été incapable de faire. La tenue même de ce sommet, ben, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel, et ce, malgré la faiblesse du texte qui a été signé. Si vous regardez les articles de presse ou les articles académiques qui datent du début du mandat de Trump, vous verrez que très très peu d'entre eux imaginaient que Trump réussirait un tel pari. Il y en a même beaucoup qui se sont posé la question d'une frappe nucléaire sur la Corée. Néanmoins, on ne peut pas passer à côté du fait que la dénucléarisation n'est absolument pas réglée par ce texte. D'où la tenue d'un nouveau sommet. Exactement. Selon les déclarations officielles, il sera question de préciser la dénucléarisation justement. Les États-Unis, via Trump, affichent une confiance pleine et entière dans le résultat de ce nouveau sommet, comme à son habitude. Mais les observateurs français sont un peu plus frileux quant à l'optimisme à propos de l'issue des négociations. En fait, il y a plusieurs problèmes à mettre en avant. Déjà, l'intérêt de la Corée du Nord à dénucléariser. Alors bien que les discours aillent dans ce sens, on peut se poser la question. Un programme nucléaire, c'est extrêmement long, extrêmement coûteux à réaliser. On ne conduit pas un programme nucléaire militaire sans une volonté politique très forte. Alors, pourquoi le programme il a été développé dans ce cas-là, en Corée du Nord ? J'ai rencontré il y a quelques mois une sud-coréenne qui avait un avis assez intéressant pour les Français que nous sommes, qui m'a dit que la Corée du Nord allait dénucléariser. Elle en était persuadée parce que, selon elle, le seul objectif de la nucléarisation, c'était d'être pris au sérieux et d'être traité comme un égal par les États-Unis. Alors, si c'est le cas, ben mission réussie. Kim et Donald se rencontrent et communiquent, ce qui n'avait pas été le cas pour leurs prédécesseurs. Mais au-delà de cet optimisme sud-coréen quand même, mais au-delà de l'optimisme sud-coréen, dont le gouvernement actuel pousse à la restauration de relations avec les voisins du Nord, ben, y a des objets d'inquiétude. Si la Corée, c'est la Corée du Nord, s'est dotée d'un programme nucléaire pour se protéger d'une potentielle invasion ou libération, je mets des guillemets, américaine, ce qui, tu me l'accorderas, Carolina, n'est pas envisageable, pourquoi se débarrasser des armes qui protègent leur souveraineté et leur territoire ? D'ailleurs, si la Corée s'est dotée d'un programme nucléaire pour se protéger d'une potentielle invasion ou libération, et là je mets des guillemets, américaine, ce qui, tu me l'accorderas, Carolina, ne serait pas inenvisageable, pourquoi se débarrasser des armes qui les protègent, qui protègent leur territoire et leur souveraineté ? Et d'ailleurs, même si l'objectif premier était d'être considéré par les États-Unis, pourquoi se débarrasser des armes au risque que les États-Unis retournent à une diplomatie de sanctions ? La bonne foi coréenne existe peut-être. Personne ne peut vraiment le dire, mais en France notamment, le doute est formulé. Personnellement, je ne suis pas spécialiste du dossier nord-coréen, mais je connais un peu les questions de développement des programmes nucléaires. Et j'ai du mal à envisager qu'un État comme celui-ci, menacé de toutes parts dans son existence à cause de la nature de son régime, se débarrasse de la meilleure arme qu'il possède, alors qu'il lui a été extrêmement coûteux en argent, en temps, mais aussi en capital politique international de le développer. Encore une fois, rien n'est impossible et la bonne foi d'un dictateur pourrait potentiellement suffire à une dénucléarisation. Mais les relations Corée du Nord-États-Unis ont été relativement changeantes, non ? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une dégradation des relations ? Avec les deux personnages qui discutent sur un sujet aussi sensible, oui, enfin, je pense qu'on peut s'attendre à tout. Il suffit de regarder l'historique Twitter de Donald Trump, qui est son principal outil de communication avec le monde, mais surtout avec sa base électorale, pour voir les hauts et les bas dans la relation. Je vais reprendre une expression que j'avais utilisée le mois dernier, mais Trump est un personnage haut en couleur. Il utilise des mots et des moyens de communication qui ne sont pas traditionnels dans la diplomatie américaine. Il ne suit pas toujours les recommandations de son administration, comme le montrent les nombreuses démissions qui ponctuent la carrière politique de Trump. Et selon certains membres de son cabinet, il travaille à l'instinct, comme le businessman qu'il était et qu'il est toujours d'ailleurs. Lors de son arrivée à la Maison-Blanche et l'année qui a suivi, nombreuses sont les personnes qui ont craint une escalade nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord. Tout le monde se rappelle de ses tweets super connus, et donc je cite « Please inform him that I have a nuclear button, but it is a much bigger and more powerful one than his, and my button works. » Ou quand il a appelé Kim Jong-un le « The Little Rocket Man », ou quand il a traité de fou, de petit ou de gros, enfin, c'était très fleuri comme langage. Mais en fait, depuis la décision de faire un sommet, les journaux arrivent à qualifier leur relation à tous les deux d'une idylle amoureuse. Et début janvier, Trump disait qu'il avait reçu une lettre formidable de Kim, et il a relancé publiquement la discussion pour la tenue de ce nouveau sommet de fin février. Mais n'oublions pas l'annulation abrupte, le 7 novembre dernier, de la rencontre entre le négociateur Kim Jong-chol et Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, qui montre que les relations ne sont pas si parfaites que ce que prétend Trump, en fait. La Corée du Nord a d'ailleurs changé de ton en début 2019 en menaçant de changer d'attitude si les États-Unis maintenaient les sanctions économiques liées au nucléaire. Ils ont dit, et je cite, « Nous pourrions n'avoir d'autre choix que de prendre une nouvelle voie si les États-Unis ne tiennent pas leurs promesses et cherchent à forcer les choses de manière unilatérale. » Et donc, est-ce que la question des sanctions va se poser au prochain sommet ? Oui, c'est même certain, ça va être une des questions principales. La Corée du Nord n'acceptera de se dénucléariser qu'en échange de la levée partielle, ou même totale, des sanctions qui pèsent sur elle depuis ses essais nucléaires. Ce qui pourrait poser problème dans les négociations, c'est bien ça, c'est que les États-Unis ont jusqu'à présent refusé de lever les sanctions tant qu'aucune avancée ne se faisait sur la dénucléarisation. Ce sommet montrera les capacités des diplomaties américaines et nord-coréennes à arriver à un compromis pour une avancée concrète de la sécurisation de la péninsule. La stratégie nord-coréenne semble pour l'instant payer, et d'ailleurs certains dénoncent que Kim Jong-un manipule le président américain. Quand Kim Jong-un se permet de critiquer les États-Unis, il ne critique jamais le président, ce qui met Donald Trump dans de bonnes dispositions au vu des réponses qu'il fait. Mais bon, sans aller jusqu'à prétendre que Trump est manipulé par le leader nord-coréen, une réflexion doit être menée, et elle devra être menée dans quelques années, sur le succès ou non des stratégies nord-coréennes et américaines. Il est vrai qu'on manque un peu de recul aujourd'hui, et surtout que toutes les semaines, on a de nouvelles informations, et on a surtout beaucoup de postulats. Mais la question des sanctions, ça concerne pas seulement les États-Unis. Le président Moon, donc le président sud-coréen, souhaite un rapprochement entre les deux Corées, mais ça c'est possible qu'avec la levée partielle des sanctions américaines, certes, mais aussi européennes. Et pour l'instant, l'Europe n'envisage absolument pas de remettre en cause le régime de sanctions envers la Corée du Nord. Et donc, actuellement, qu'en est-il réellement du programme nucléaire nord-coréen ? Bon, ça, c'est plutôt délicat. J'imagine qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas accessibles au public et qui pourraient apporter un bien meilleur éclairage à cette question. Mais, si on se base sur des données publiques, Kim Jong-un est passé dans ses discours d'un gel de ses essais, en avril 2018, à un gel de ses programmes, ce qui montre une évolution certaine dans sa posture. Néanmoins, le gel des programmes n'est pas vérifié et il y a beaucoup de spécialistes qui affirment que l'arsenal nucléaire et balistique nord-coréen continue de croître. Et quel est le rôle de la Chine dans tout ça ? Parce que la Chine, elle n'est pas tournée que vers l'espace. Non, effectivement, on en a parlé pour l'espace tout à l'heure. Et en fait, sur le dossier nord-coréen, on pourrait s'étonner du relatif effacement de la Chine. Alors que bah, c'est un pays qui est allié à la Corée du Nord et en compétition avec les États-Unis pour une influence régionale. Mais en fait, il faut noter deux choses. Déjà, si les Chinois ont toujours officiellement soutenu le régime nord-coréen, il a existé une certaine lassitude des Chinois envers l'attitude belliqueuse de la Corée du Nord, qui attirait l'œil des États-Unis sur la région à un moment donné où la Chine aurait bien voulu que les États-Unis regardent ailleurs. La Corée du Nord n'est pas docile et ne s'est pas toujours bien intégrée à la stratégie chinoise. Et puis, ce n'est pas parce qu'on parle moins d'eux qu'ils sont inactifs. Les Nord-Coréens et les Chinois se voient régulièrement. En moins d'un an, là, ils se sont vus 4 fois. Et Xi Jinping a récemment annoncé soutenir le leader nord-coréen dans ses négociations avec les États-Unis, et il s'est félicité des mesures positives prises par Pyongyang. Il paraît évident que la rencontre entre la Corée du Nord et la Chine en Chine début janvier a permis aux deux dirigeants de se mettre d'accord sur leur position avant le sommet États-Unis-Corée du Nord prévu fin février. La Chine, soutenue d'ailleurs par la Russie, souhaite un allègement des sanctions, ce qui va contre la position de l'Europe, et on ne sait pas encore quelle sera la position des États-Unis à ce moment-là. Merci Océane pour cette vision globale sur la question des relations entre les États-Unis et la Corée du Nord. Nous avons assez parlé des États-Unis, donc passons maintenant à notre grand dossier, qui traitera sur la question énergétique et sécuritaire en Afrique du Nord. Nous avons avec nous aujourd'hui Yann Paris, détenteur d'un master en intelligence économique et auteur du site Les Cartes du Monde. Donc oui, je gère le site Les Cartes du Monde, qui est un site d'analyse internationale où je propose en fait des analyses sur des thématiques assez variées, c'est-à-dire ça peut être la guerre au Yémen, ça peut être le droit des femmes, que je vais accompagner de cartographie, parce que j'ai toujours considéré qu'un joli dessin permet souvent de bien comprendre une problématique de manière accessible, en fait, parce que c'est ça mon objectif, rendre l'information la plus accessible possible, en fait, pas la cloisonner dans un domaine précis. Et t'as commencé ça quand ? Et j'ai commencé ça en septembre, le projet a été lancé, donc le temps de mettre en place le site, l'infrastructure, et ensuite après j'essaye de publier régulièrement au moins un minimum un article par mois, et dans les bons mois, 3 articles à peu près. Et du coup, pourquoi l'Afrique ? L'Afrique, c'est que j'avais été approché durant mon master par Monsieur Antoine Seco, qui est un proche du patron du Conseil national du patronat du Bénin, et il m'avait demandé des analyses sur le Bénin et sur les pays autour. Donc j'ai commencé à travailler sur ça, et ensuite, durant mon stage dans l'entreprise Geo4i, qui est une entreprise d'imagerie satellite et de sécurité, j'ai été sur des thématiques de sécurité en Afrique subsaharienne, donc le terrorisme par exemple. Donc j'ai une bonne connaissance dans le domaine. Aujourd'hui, t'es pas là pour nous parler des questions sécuritaires, t'es plutôt là pour nous parler de la question énergétique, il me semble. Exactement, donc question énergétique et plus globalement du secteur primaire et de la dépendance de l'Afrique du Nord dans ce secteur. Donc ça va être les hydrocarbures, mais aussi le secteur minier, parce que ces pays-là exploitent énormément ces ressources-là et ils ont une dépendance économique vis-à-vis de ce secteur. Donc aujourd'hui, on va parler de cette situation-là. Alors pour commencer, on va parler en fait de quelles sont les ressources qui sont exploitées dans la région. Ensuite, qui les exploite. Donc on va avoir des entreprises nationales, mais beaucoup d'entreprises internationales. Et ensuite, le niveau de dépendance vis-à-vis de l'Occident. C'est-à-dire qu'on a une dépendance qui est à la fois politique, économique, par l'exploitation, et ensuite sécuritaire, comme nous le verrons. Par la suite, nous serons sur les questions de sécurité. Donc c'est-à-dire que l'arc sahélien est une zone où de multiples groupes terroristes sont en action et donc peuvent déstabiliser l'économie et la politique des différentes nations dans la région. Et ensuite, on fera une perspective d'évolution de la région. Alors, je ne vois pas dans une boule de cristal, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais dire que demain sera fait ainsi, ce sont juste des hypothèses. Hein. C'est extrêmement important de le souligner, on ne peut pas être précis dans le domaine, c'est juste des hypothèses. Pourquoi ce sujet? Pourquoi est-ce que c'est aussi intéressant de se pencher sur cette question? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des pays qui exportent en grande quantité des flux de ressources primaires. Par exemple, si on prend le cas de l'Algérie, 98% de ses exportations dépendent des hydrocarbures, c'est-à-dire du pétrole, pétrole raffiné, pétrole brut et du gaz. Le Nigeria, qui est au sud de l'Afrique du Nord, c'est 88% de ses exportations qui dépendent de ce secteur. Donc c'est excessivement important de regarder qui c'est qui exploite ces ressources, dans quelles conditions, et si c'est stable. Parce que à partir du moment où une nation ne dépend que d'un seul ou de deux secteurs économiques, si ces derniers sont déstabilisés, c'est l'ensemble de la société qui peut basculer, en fait. Et donc, c'est très dangereux et c'est à surveiller. Très bien. Et du coup, quelles sont les ressources en Afrique du Nord, globalement? Alors, si on délimite l'Afrique du Nord de manière large, c'est-à-dire que du nord au sud, on va de l'Algérie jusqu'au Bénin, et de l'ouest à l'est, on va de la Mauritanie jusqu'à la Somalie. Après, au-delà du Tchad, mon niveau de connaissance est un peu plus faible. Eh bien, on a quatre pays qui exportent en grande quantité des hydrocarbures. Donc là, on a la Libye, l'Algérie, la Mauritanie et le Nigeria. Avant la guerre de 2013 contre Kadhafi, la guerre civile, ces quatre pays produisaient environ 5,2 millions de barils de pétrole par jour. Donc un baril de pétrole, c'est 159 litres d'hydrocarbures, donc c'est extrêmement important. Et ces quatre pays-là, sur les 27, produisaient avant 2013, entre 82 et 86% des hydrocarbures de la région. Donc quatre pays regroupent la majorité de l'exploitation des hydrocarbures dans la région, donc c'est une véritable concentration. Et le sud, quant à lui, est plutôt tourné sur l'exploitation du secteur minier avec l'or et l'uranium en tête. Alors bien entendu, on a des mines de fer, de zircon, etc. Mais c'est surtout ces deux ressources qui sont primordiales pour leur économie. Et du coup, c'est des ressources qui restent surtout concentrées dans le continent africain, ou ces exportations, elles vont vers où en fait? Alors, les exportations sont surtout tournées vers le monde occidental, en grande partie. Le détail des exportations, je ne le connais pas, mais le flux du commerce de ces pays est très souvent tourné soit sur l'Europe, soit sur le monde occidental si on rajoute les États-Unis. Après, on a la Chine et l'Arabie Saoudite qui sont des partenaires importants. Pour l'exploitation de l'or, par exemple, pour montrer un peu la dépendance, on peut voir que le Mali, 77% de ses exportations dépendent de l'or, le Burkina Faso, 72%, le Ghana, environ 52% de tête, et donc ça, c'est vraiment important. Le Niger, lui, dépend de l'uranium, avec le site d'Arlit, qui est un site français, où 27% de ses exportations sont dues aux produits radioactifs. Donc voilà, et on a un dernier enjeu qui est en train de se développer actuellement, qui est celui du schiste, plutôt présent dans le nord de l'Afrique. Alors, en Algérie, on aurait le troisième, quatrième ou cinquième stock mondial, c'est très dur de définir ça, parce que on essaye d'attirer aussi des investisseurs avec les chiffres, et en Libye, il y aurait aussi des stocks importants, mais vu le chaos actuel, c'est impossible d'investir dans la région. Au niveau de l'or, il me semble qu'il y avait toute une problématique sur la question de l'or sans des conditions d'exploitation des mines. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors, pour ce qui est de l'or du sang, c'est plutôt dans les grands lacs. Hein, je crois que c'est plutôt dans cette zone-là. Donc là, c'est pas du tout mon rayon d'action. Mais après, il y a beaucoup de mines artisanales dans la région, notamment au sud du Niger, où on utilise des additifs assez agressifs pour le sol, notamment de l'acide. Donc voilà. Et du coup, je me permets de revenir un tout petit peu en arrière, parce que tu as dit quelque chose qui m'est resté en tête. Tu as parlé du site de Arlit au Niger. Tu as dit que c'était un site français. Et du coup, ça appartient à qui concrètement? Enfin, ça appartient à l'État français? Ça appartient à le secteur privé français? Ça appartient pas du tout au Niger? Est-ce qu'il y a des contrats qui sont passés? Comment ça se passe? Alors, le site d'Arlit appartient à l'entreprise Areva, donc l'entreprise française. Et l'exploitation est faite à la fois par des Français et par des personnes locales qui sont employées, mais c'est complètement sous contrôle français. Hein. Dès qu'il y a le moindre mouvement dans la région, l'armée française est déployée. À un moment, le gouvernement du Niger, ça c'était il y a pas mal de temps, avait voulu un peu plus d'argent dû au site. On a fait fermer la mine pendant une semaine et ça a bloqué un peu l'économie, donc on contrôle la région en fait. Donc voilà, au niveau de l'exploitation des ressources. Après, si on regarde sur qui exploite ces ressources, alors au niveau du secteur des hydrocarbures, il y a un particularisme, on va dire, c'est que l'Algérie et le Nigeria ont rapidement compris qu'il fallait qu'eux-mêmes l'exploitent, donc ils ont des entreprises nationales ou entreprises privées qui l'exploitent, mais c'est toujours soumis à des partenariats internationaux. Par exemple, on va avoir Total, qui est présent dans ces différents pays, notamment en Libye, en Mauritanie pour de la prospection, on va avoir ConocoPhillips, là, c'est des Philippins qui sont présents dans la région. On a Statoil, donc là, c'est les Norvégiens avec le site d'Inamenas qui a été attaqué en 2013. Et on a aussi des entreprises espagnoles qui sont présentes. Donc, c'est vraiment du secteur international. On a aussi BP, donc là, c'est anglais. Et au Niger, on commence à avoir l'implantation de Petroleum China. Donc là, c'est les Chinois qui sont présents aux côtés de BP. Donc, c'est vraiment de l'international. Après, pour ce qui est de l'exploitation d'hydrocarbures en Libye, il y a des entreprises internationales, mais vu que la situation est chaotique, c'est plutôt des groupes armés qui contrôlent les infrastructures, donc on ne sait pas trop qui exploite et on ne sait pas trop où vont les flux de pétrole, en fait. Et j'avais une question par rapport à toutes ces ressources et les compagnies internationales. La corruption dans ces pays, est-ce que... parce qu'on sait que dans des grands pays pétroliers, le niveau de corruption est généralement assez haut. Est-ce que pour d'autres types de ressources, on a un problème de corruption comme ça en Afrique ou pas? Alors, de manière précise, il y a eu des scandales plutôt dans le secteur minier, à ma connaissance. Sur le plan global, l'ensemble de la région, selon l'index démocratique, qui est un index international qui se base sur les libertés privées, le système de justice, le système politique, l'ensemble des pays, dans sa globalité, sont des régimes de type autoritaire. On a les démocraties parfaites, qui sont par exemple... au niveau mondial, le Canada, le Japon, les démocraties imparfaites, la France, le Sénégal sont des démocraties imparfaites. C'est considéré comme une démocratie imparfaite. On a les régimes hybrides. Donc les régimes hybrides, c'est il y a du vote, il y a un système électoral, mais plutôt soumis à une forte pression, avec des partis qui sont très verrouillés. Et ensuite les régimes autoritaires, donc là où tout est complètement verrouillé, et là c'est la majorité des cas. Dans cette région-là. Donc, les affaires de scandales de corruption sur le pétrole, j'ai pas une connaissance parfaite dessus, donc je pourrais pas trop me prononcer. D'accord, pas de problème. Par rapport au scandale dans le secteur minier, on a eu un cas en Algérie. En fait, l'Algérie a 4 secteurs miniers d'or, dont un seul qui était exploité et qui est fermé. L'Algérie voulait relancer son entreprise et a fait appel à une entreprise australienne. L'entreprise australienne avait promis du 250 kg d'or par jour, donc c'était énorme, et en fait c'était du mensonge, et ils ont à peu près fait un détournement, selon les informations en public, selon les journaux algériens, de 1 à 3 millions de dollars de détournement de fonds publics, donc ils sont vite partis avec la caisse, donc ça a fait un peu scandale. On a aussi des scandales politiques, c'est-à-dire qu'au Sénégal, on a une mine de zircon, donc le zircon c'est une matière première stratégique, et c'est une zone, dans cette région-là, c'est une zone où il y a des mouvements indépendantistes, et il y a eu un préfet qui a été abattu dans la zone alors que les Australiens essayaient de développer leur secteur minier. On ne sait pas qui est la cause de cet assassinat, mais c'est certainement des groupes indépendantistes. Ça crée des tensions automatiquement, et donc potentiellement des histoires de corruption, en fait. Ensuite, pour qui exploite le secteur minier, donc là, on a encore les Français avec Areva pour l'uranium, c'est vraiment le fleuron français du secteur. On a pour le Mali les Canadiens qui sont très présents, parce qu'en fait, il y a 8 secteurs miniers au sud, c'est-à-dire dans la région proche de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Et un secteur minier, ce n'est pas une mine, ça va être 10 mines, parce que c'est une zone géographique. Et donc là, c'est l'entreprise IAMGOLD qui est présente sur 5 secteurs miniers et sur 2 autres secteurs, c'est des entreprises sud-africaines. Et en fait, on a un gros problème, c'est que ces entreprises détiennent dans la majorité des cas environ 80% des actions. Donc, et l'État juste 20%. Donc si je dois schématiser, vous avez dans votre sous-sol de l'or et seulement 20% de la richesse va vous revenir au niveau de l'entité nationale. Donc voilà. Et du coup, j'imagine que ça crée des tensions entre les pays qui possèdent ces ressources et les pays qui ont investi dedans, notamment des tensions dues aux anciennes colonisations. J'imagine que les tensions politiques subsistent, surtout que tu disais que la France contrôle une grosse partie de l'uranium. Est-ce qu'il y a ce genre de tensions politiques qui... Par rapport aux ressources ? Par rapport aux ressources et par rapport à des critiques néocolonialistes ou ce genre de choses. Alors, les critiques sont plutôt dans la population, moins au niveau des autorités en place, parce que dans bien des cas, les autorités en place sont soutenues par les grandes puissances. Par exemple, actuellement, le Mali s'y tient debout au niveau des institutions, c'est parce que la France est là. Le Sénégal est très impliqué, la France est très impliquée dans le Sénégal. On a eu, par exemple, une histoire de prospection pétrolière qui a été donnée à Pétrole, enfin, vendue à Total, et Total n'était pas le plus compétitif. Mais ils ont gagné le contrat. Et ça a posé des critiques en interne au sein de la population. Donc ça, c'est une population qui est très récurrente, une critique qui est très récurrente, pardon, au sein de la population. Est-ce que du coup, tous ces États ont les infrastructures nécessaires pour exploiter ces ressources ou est-ce qu'elles sont en quelque sorte obligées de faire recours à des entreprises étrangères ? Alors là, c'est une bonne question. Souvent, en fait, ils n'ont pas eu le transfert de technologie, hein, parce que ça, c'est important de les laisser dans une forme de dépendance technologique vis-à-vis de ça. Ils ont aussi un problème de fonds, parce que ça demande des investissements de créer des infrastructures, soit minières, soit pétrolières, sauf cas de l'Algérie qui, depuis son indépendance, a réussi à se développer dans le secteur, et le Nigeria aussi, très profondément, ils sont très compétents dans le secteur. Mais oui, ça, c'est vraiment une dépendance, en fait, technologique, économique et politique, ils n'ont pas les moyens, malheureusement. Il me semblait que tu avais parlé de l'Afrique du Sud qui investissait aussi, donc ça veut dire que la dépendance, elle n'est pas seulement envers l'Occident, mais aussi envers un pays africain, donc l'Afrique du Sud. Oui, alors tout à fait. Mais alors, en fait, on a un particularisme au niveau de l'Afrique dans sa globalité, c'est que le PIB de l'Afrique est concentré dans les pays du Nord, donc ceux de Méditerranée, et en Afrique du Sud. C'est les seuls pôles économiques très puissants, et c'est les seuls qui ont les capacités d'investir. Et l'Afrique du Sud, elle, est vraiment dans le secteur minier. Eux, ils sont très connus pour développer de grandes zones minières, en fait. Et du coup, tout à l'heure, on en a parlé rapidement, mais est-ce qu'on peut revenir sur la question des exportations, maintenant que tu nous as bien présenté la situation de façon générale? Vers où vont les flux, en fait? Alors, dans bien des cas, le premier partenaire économique au niveau des exportations, c'est le continent européen ou le monde occidental dans sa globalité, si on intègre les États-Unis. Par exemple, l'Algérie, 75% de ses exportations sont vers l'Europe et les USA. La Libye, 53% vers l'Europe. Le Mali, lui, plutôt tourné vers le Moyen-Orient et l'Asie. Donc ça, c'est un cas particulier. Le Burkina Faso, 68% de ses exportations vont vers un seul pays, c'est la Suisse. Donc l'or du Burkina Faso, on peut penser qu'il va plutôt vers ce pays. Le Ghana, 45,2%, pareil pour l'Europe. Et le Niger, la France est le premier partenaire économique avec 20% des exportations qui vont vers la France. Donc très souvent, dans un grand nombre de cas, c'est le monde occidental qui capte les flux économiques. Et c'est très rare en fait que les échanges majoritaires soient vers d'autres pays africains. Donc on exploite, en fait, pour faire simple, on exploite leurs ressources, on tire la richesse de leur sol, et ensuite le flux de richesse est redistribué vers le monde occidental et pas du tout vers le monde africain. Et du coup, on parle d'une certaine dépendance de ces États vis-à-vis des États européens, par exemple par rapport aux technologies des infrastructures, mais la dépendance est réciproque quelque part, puisque finalement, ce type d'État a besoin de ces ressources si jamais... par exemple, la France va là-bas pour exploiter, pour ramener en France, c'est bien qu'il y a un grand besoin. Alors oui, complètement, il y a une double dépendance, mais en même temps, on ne va pas se leurrer, c'est que ça nous permet d'exploiter à bas prix des ressources, parce que je ne pense pas qu'un travailleur du Niger soit payé de manière identique à un travailleur français, par exemple, pour faire un parallèle assez simple. Donc, on en a besoin parce que l'or, bon, ben là, c'est plutôt pour tout ce qui est luxe. Le Niger, là, c'est avec l'uranium. Donc là, c'est vraiment stratégique. Et là, personne ne touche à l'uranium du Niger, si ce n'est la France. Évidemment. Voilà, il y a bien sûr les Chinois qui ont essayé, mais ils ont arrêté les prospections. Mais voilà. Ensuite, après, on a tout un tas de ressources comme le zircon qui va être aussi utilisé dans le nucléaire et dans les technologies de pointe. Et donc, oui, on a cette dépendance de matières premières, mais en fait, on a des facilités d'accès par notre histoire et par nos relations économiques, politiques, etc. En fait, ce que tu essayes de nous dire, c'est qu'il y a bien une codépendance, mais qu'il y a une hiérarchie dans cette dépendance et qu'il y en a un qui est plutôt qui est plus dépendant de l'autre pour pouvoir exporter. Parce que j'imagine que à part les questions très stratégiques d'uranium et de zircon, qui effectivement touchent à la question nucléaire dont on a déjà parlé dans notre premier épisode, les autres sources, potentiellement, j'imagine que l'Europe pourrait essayer de s'arranger pour les trouver autre part, et que même si le cours de l'or venait à chuter, comme tu as dit, c'est une ressource de luxe, et même s'il y a certains composants technologiques, il me semble, qui utilisent de l'or, c'est quand même en très très très petite quantité. Tu as parlé de la Chine. Du coup, je voulais savoir, vu qu'il y a de plus en plus d'investissements chinois en Afrique, est-ce que l'exploitation des ressources naturelles, énergétiques et minières vont aussi vers la Chine ? Oui, ça commence à arriver. Après, la Chine, en fait, commence à créer des relations diplomatiques avec les pays africains avant toute chose et exploite progressivement les secteurs économiques. Mais pour faire son soutien économique, en fait, ils vont investir dans des hôpitaux, dans la construction de ponts et dans la création d'infrastructures économiques, sauf qu'en même temps, à chaque fois, ça crée beaucoup de tensions avec les populations locales, parce que autant les pouvoirs en place reçoivent un chèque, autant les populations locales ne vont pas travailler dans les chantiers. Ce sont des travailleurs chinois qui arrivent, qui créent les infrastructures et qui travaillent dans ces infrastructures. Donc il n'y a pas une redistribution de la richesse et de la capacité de travail dans des zones qui sont fortement touchées par le chômage et par la pauvreté. Donc en fait, il y a une double exploitation déjà de la part de l'Europe sur l'Afrique, mais une exploitation grandissante de la Chine vers l'Afrique aussi, parce que même si elle construit des infrastructures, si le chômage est toujours là, ça ne change pas grand-chose pour les populations locales au jour pour le jour. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, on peut le dire, hein, le continent africain est là, dans le cas l'Afrique du Nord, est bien souvent exploité, en fait, et on les exploite. Pour faire un schéma assez basique, on peut dire ça, en fait. Après, l'Afrique du Nord est connue, en fait, pour être touchée par de nombreux mouvements terroristes. Donc, on a 5 grands groupes environ. On a Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc, eux, ce sont les grands-pères du terrorisme de la région, hein, parce qu'ils sont apparus dans les années 90. Ils ont pris le nom d'Al-Qaïda au Maghreb islamique dans les années 2000 en faisant allégeance à Al-Qaïda, Moyen-Orient et Ben Laden. Et ce groupe-là s'est scindé en différents groupes pour des scissions politiques, des scissions idéologiques. On a eu le Moudjahou qui est apparu, qui est lui plutôt implanté en Mauritanie et un petit peu au Mali. Donc eux, c'est plutôt des trafiquants de drogue et des trafiquants d'armes moins idéologisés, bien que très durs, enfin, au niveau de l'application de la charia. On a Al-Mourabitoun, qui était avant les signataires par le sang, dirigé par Mokhtar Belmokhtar, qui était un trafiquant, on l'appelait Mister Marlboro à l'époque. Dans quelle région, cela ? Alors eux, ils sont implantés à la fois au sud de l'Algérie, plutôt pour des points de passage, des routes. Ils ont été implantés au Nord Mali, mais ils sont repliés. Et là, actuellement, leur bastion serait plutôt dans le sud-ouest de la Libye, qui est une zone complètement non-droit. Leur leader, Mokhtar Belmokhtar, qui a fait ses armes au Moyen-Orient, actuellement, on ne sait pas s'il est mort ou grièvement blessé, parce qu'il a été touché par des frappes américaines, selon des rapports publics. Et ensuite, après, on a le Polisario, qui est un groupe à la fois politique et reconnu par certaines instances internationales pour le Sahara occidental, parce qu'ils veulent l'indépendance du Sahara occidental, mais on sait que des combattants du Polisario ont été dans le conflit du Mali. Et on a Ansar Dine, qui lui est potentiellement le plus grand danger actuel, parce que c'est un mouvement qui est dirigé par Riyad Ghali, qui est un notable Touareg de la région, très connu, qui a été dans la politique du pays, au niveau international aussi, avec le Moyen-Orient. Et en fait, là où c'est particulier, c'est que, pour faire simple, on a une hiérarchie dans les groupes terroristes. Les Algériens sont toujours en haut des structures, c'est eux qui ont les postes de gradés. Ensuite, on a les populations arabes, qui eux aussi peuvent avoir accès à des postes, et ensuite, en bas de la hiérarchie, on a les populations noires, qui sont souvent considérées, pour faire simple, de chair à canon, parce que les populations arabes sont des véritables musulmans, et les populations noires sont considérées comme des convertis, donc en bas de la hiérarchie. Donc, Ansar Dine, lui, a déjà un leader touareg, ce qui change, et surtout, ils ont beaucoup recruté dans les populations noires, notamment les populations peuls. Les populations peuls sont plutôt des populations tournées sur l'élevage, l'agriculture, et qui sont au bas de la hiérarchie sociale dans pas mal de pays, notamment au Mali. Et les populations peuls sont donc réparties sur un ensemble de territoires, mais comme tous les groupes socio-ethniques de l'Afrique, parce qu'on a un découpage qui est colonial, en fait. Donc ce qui fait qu'à partir du moment où un groupe social risque, entre guillemets, d'être contaminé par des mouvances armées, ça peut déstabiliser différentes régions. Les peuls, on en trouve aussi au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Niger, etc. Après, il y a des différences, bien entendu, dans chaque cas, c'est pas un groupe homogène. Et Ansar Dine avait notamment un leader très important, c'était le terroriste Amadou Koufa, dit le prédicateur, qui a été abattu il y a peu par l'armée française. Et lui arriver à recruter dans les populations peuls de manière directe, et selon des reportages d'investigation faits par des personnes sur le terrain, c'était pas rare que les personnes aient sur leur téléphone portable des propos, en fait, de ce prédicateur. Donc c'est là où c'est le grand danger, parce qu'en fait ils permettent une insertion des mouvances terroristes dans les populations noires, ce qui jusqu'à présent n'arrivait que peu, parce que des fois les combattants noirs, populations noires, arrêtaient le combat et rendaient les armes et revenaient. Des fois, il y a eu certains groupes de combattants qui sont revenus dans leur pays et qui ont dit non, bah, on arrête de combattre parce que on est en première ligne, quoi, et on n'a pas de poste. Mais tout ça, c'est très très intéressant, mais quel est le rapport avec la question énergétique? Est-ce que ces combattants et ces groupes terroristes ou malfrats font des actions contre les entreprises qui exploitent, qu'on essaye de reprendre, enfin. Alors, par exemple, pour l'Algérie contrôle énormément ses sites d'hydrocarbures. Chaque installation pétrolière ou gazière, il y a l'armée qui est autour. Mais en 2013, il y avait eu l'attaque, là c'était à l'époque, c'était les signataires par le sang, donc Al-Mourabitoun, un commando qui est arrivé, et il y a eu une centaine de morts. Et en fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où un groupe armé veut déstabiliser un État, dans des États qui dépendent d'une ou deux ressources, à partir du moment où on tape au portefeuille sur ces infrastructures, on sait qu'on peut faire trembler l'ensemble du pouvoir. Après, au Burkina Faso, actuellement, il y a un gros risque, parce que les mines sont dans la région nord du territoire, et actuellement, il y a la frontière entre le Mali et poreuse avec ces mines, et de plus en plus, il y a d'attaques dans ces secteurs-là, donc ça peut aussi effrayer les investisseurs. Et donc l'arrêt des entreprises. Et quel genre d'attaques il y a? Est-ce que ce sont forcément des attaques armées, ou est-ce que ça peut être des attaques un peu plus insidieuses via le soulèvement des populations qui y travaillent potentiellement? Moi, à ma connaissance, c'est plutôt des attaques armées. Après, le soulèvement de population, là, c'est plus difficile, je pense, à mesurer, parce que là, on est vraiment sur de l'influence et de la propagande. Donc, ça va pas être un signal fort qu'on va voir au niveau international. Ce qui se voit au niveau international, c'est les signaux forts. Quand il y a une attaque, là, on constate, et ça demande vraiment une étude très précise de la région et limite une enquête de terrain, en fait. Et tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de pays qui étaient impliqués dans l'exploitation des ressources. Est-ce que eux, ils mettent en place des sécurités autour des ressources qu'ils exploitent en partie ou dont ils possèdent une partie du capital? Alors déjà la France, hein, la France, il y a l'armée française qui est toujours dans la région. Par exemple, au Niger, on a la mine d'uranium, donc d'arlite. L'armée n'est pas très loin. On a une base militaire dans le nord du Niger, la base de Madama, qui contrôle la frontière avec la Libye, même si elle est complètement poreuse. Hein, il y a beaucoup de mouvements qui se font là-bas. Après, au niveau des entreprises elles-mêmes, je sais, après je pourrais pas te dire avec précision, qu'il y a souvent quand même des milices privées, en fait, et donc par exemple l'Afrique du Sud notamment est connue pour utiliser en fait des groupes de sécurité privés qui ont un armement lourd pour protéger leurs infrastructures, mais voilà, après là j'ai pas de connaissances très précises sur chacune des infrastructures, comment elles fonctionnent au niveau de la sécurité. Et pour les questions sécuritaires, en fait, on a un grave problème actuellement, c'est que la Libye, qui est en guerre civile depuis 2013, est divisée entre de nombreux groupes qui contrôlent la région, et notamment, en fait, le sud-ouest est contrôlé, en fait, par les populations Touareg, notamment les populations Touareg qui ont servi durant la guerre au Nord-Mali. Et donc, en fait, dans le sud-ouest de la Libye, on a les bases arrières actuellement qui s'implantent de plus en plus pour rendre sardine. On sait qu'il y a du mouvement d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, il y a Al-Mourabitoun qui est implanté là-bas, les populations Touareg qui sont là-bas, qui ne sont pas des terroristes, mais qui vivent dans ces régions-là, mais qui ne sont pas affiliés forcément au gouvernement. Et on sait qu'il y a énormément de flux d'armes, de flux de drogue, et surtout, en fait, ce sont des champs pétrolifères qui sont dans la région. Et il y a des combats qui sont actuellement en cours pour le contrôle de ces régions, notamment entre les populations Touareg et les Toubous. Les Toubous qui sont une population qui est à cheval entre la Libye, le Tchad et le Niger, et qui sont, pour ceux qui sont en Libye, affiliés au gouvernement de Tobrouk, qui est un allié de l'ONU. Mais voilà, c'est une zone de conflit, donc à partir de là, toute l'exploitation pétrolière, on a des chiffres qui apparaissent, mais ces chiffres, on peut les prendre qu'avec des pincettes, et on ne sait pas du tout où vont ces flux de pétrole, et donc c'est potentiellement aussi une zone d'exploitation économique pour ces groupes armés, pour s'enrichir, en fait. Et c'est ça l'un des risques, en fait. Une fois qu'ils arrivent à prendre le contrôle des infrastructures, on peut penser qu'ils arrivent ensuite à vendre ces ressources sur le marché international et sur le marché noir. Et du coup, ça veut dire qu'il y a un marché noir de ce genre de ressources, je veux dire même de ressources pétrolières, il y a un marché noir de ça ? Alors oui, ça existe, hein, ça c'est complètement connu, et ce qui fait que c'est difficile à estimer, notamment au Niger, au Nigeria, il y a un marché noir du pétrole, mais ça c'est pas forcément pour des groupes armés, ça peut être aussi pour des populations locales qui ont besoin d'un pétrole pas cher en fait. Hein. Quand j'avais discuté avec Monsieur Antoine Seko qui est au niveau du Conseil national du patronat du Bénin, il m'expliquait qu'il n'était pas rare d'avoir des personnes qui vendaient des bidons d'essence au coin de la roue. Voilà, c'est pas forcément pour des groupes armés. C'est une manière de contourner aussi l'exploitation dont ils sont plus ou moins victimes, associés avec leur gouvernement, s'ils n'ont effectivement pas les moyens financiers de se déplacer et d'acheter du pétrole produit par les compagnies étrangères. J'imagine que le marché noir, c'est pas seulement effectivement pour se décharger de tout ce qu'on a eu illégalement dans le cadre du terrorisme ou du crime de grande envergure, c'est aussi un moyen de survivre pour les populations locales. Mais complètement, parce que dans bien des cas, le salaire moyen d'un habitant de cette région, des fois, il oscille à 1,25$ par jour. Donc, le marché noir est obligatoire pour survivre, en fait, et pour arriver à gagner un petit peu d'argent. Voilà, donc c'est pas forcément terroriste. Du coup, qu'est-ce qu'on peut penser de ce qui va se passer dans les grandes ressources, avec ces grandes ressources et sur les questions sécuritaires dont tu nous as parlé? Quelles sont, je sais que tu lis pas dans la boule de cristal, mais quelles sont les grandes tendances qui se dessinent? Alors là, c'est toujours très compliqué. On va prendre un scénario positif. Le terrorisme est vaincu, ou tout du moins, son influence est réduite. Et à partir de là, on continue d'investir, on continue d'exploiter. Et la question du schiste en Algérie se développe sans accroc, c'est-à-dire aussi sans accrochage avec les populations locales, parce que le schiste consomme beaucoup d'eau et pollue potentiellement les nappes phréatiques dans des zones où il y a peu d'accès à l'eau. Et on va dire qu'il n'y a pas de mouvement de population. Il y en a actuellement, il y a des manifestations qui ont eu lieu, mais voilà, on va dire que tout se passe bien, et bien là on continue encore sur cette rente économique, mais on va pas du tout changer le schéma d'exploitation, c'est-à-dire que les flux vont rester vers le continent européen, ce sont des entreprises internationales plutôt européennes, voire chinoises, qui arrivent de plus en plus, qui vont exploiter les ressources, et pas du tout de redistribution vers les populations locales. Donc ça, c'est le schéma standard. Le schéma plutôt négatif, c'est que l'instabilité persiste, le sud-ouest de la Libye devient vraiment un micro-bastion terroriste. Donc là, on pourra avoir des raids de plus en plus fréquents qui peuvent apparaître sur l'Algérie, continuer l'instabilité pétrolière en Libye. Donc là, ça peut être dangereux, en fait, pour la rente pétrolière dont ces pays dépendent. Et pour le Mali, l'instabilité persiste et l'idéologie de combat, l'idéologie terroriste s'imprègne de plus en plus, et on a une déstabilisation progressive du Burkina Faso au niveau du nord, là où il y a toutes ces mines, et donc le Burkina Faso risque lui aussi d'être touché de plus en plus. Donc là, on est vraiment sur des schémas plutôt négatifs, on va dire. Et ensuite, il y a la question du schiste, comme je disais, qui va poser problème, parce que le gouvernement algérien tend de plus en plus à vouloir exploiter cette ressource, sauf que cette ressource est dans le sud du territoire, donc dans les zones d'influence d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et d'autres groupes terroristes. Et on est sur des populations fragiles, des populations aussi qui sont souvent écartées du système. Et si on commence à raréfier l'accès à l'eau et à avoir des cas de pollution de nappe phréatique, ces populations-là seront plus aptes à adhérer à un mouvement armé. Pas forcément pour des raisons idéologiques, mais parce qu'elles ont besoin de vivre, en fait, et de survivre. Donc voilà. Et on a, là, c'est vraiment les questions sécuritaires. Après, on a d'autres enjeux qui vont apparaître. C'est le changement climatique qui, lui, c'est certain que ça va arriver. Après, dans quel niveau d'importance, c'est difficile à calculer, mais selon toute probabilité, on va avoir un accroissement de l'espace du désert du Sahara. C'est-à-dire que le désert du Sahara va gagner en importance avec des tempêtes de sable de plus en plus récurrentes et donc des destructions ou en tout cas rendre plus difficile l'exploitation des ressources et donc automatiquement générer une instabilité politique, sociale, économique. Et donc, dans ce scénario qui serait plutôt catastrophe, est-ce que les entreprises et les pays qui exploitent les mines et les champs pétroliers, merci. Est-ce que ces pays et ces États ne peuvent pas investir justement pour lutter à la fois contre la pauvreté, ce qui permettrait aux populations locales de peut-être ne pas être tentées par le terrorisme, et donner plus d'accès à l'eau et plus d'accès aux formations peut-être pour pouvoir travailler dans ces endroits? Est-ce que ce serait un moyen, tu penses, de lutter contre le scénario catastrophe, parce que le changement climatique, c'est pas eux qui le changent, qui feront quelque chose directement. Oui, ils peuvent rien faire sur ça. Mais alors techniquement, il faudrait vraiment redistribuer la richesse, parce qu'à partir du moment où on a une redistribution de richesse, on a un apaisement social, mais là c'est pas le cas, hein. On est sur des régimes autoritaires, dans bien des cas, avec des corruptions qui sont présentes, ça c'est certain, et on a aussi un problème, c'est qu'on a des visions à court terme, c'est-à-dire qu'on va regarder combien on va gagner dans un an, dans deux ans, dans trois ans au niveau de nos ressources, et on n'a pas forcément ces problématiques qui sont sur la table, ou alors elles sont rapidement écartées pour des enjeux de groupe. Donc clairement c'est nécessaire d'enrichir ces populations-là, ou en tout cas de leur donner accès, parce qu'en plus ça va être le continent africain va devenir bientôt le premier marché mondial en termes de population, de demande, ne serait-ce que dans le secteur téléphonique, c'est un boom impressionnant. Donc il faut qu'ils s'enrichissent si on veut qu'il y ait la stabilité, je pense en tout cas. Ça c'est mon postulat, on va dire. J'imagine que justement à cause de cette vision un peu à court terme qu'il y a chez les entreprises, etc., que vis-à-vis de la question climatique, comme tu étais en train de l'évoquer, il n'y a pas encore de plan qui soit formulé par ces entreprises pour savoir comment faire, comment gérer ces problèmes, comment concilier en fait l'inévitable finalement qui est le réchauffement climatique avec le futur de l'exploitation de ces ressources. Alors, c'est pas uniquement le problème des entreprises au niveau de la prise de conscience, c'est aussi une prise de conscience des États qui est très très lente. La COP21 qui demande un objectif à 2 degrés de plus par rapport à l'ère pré-industrielle, lors de la COP27, je crois que c'est la dernière, je crois que c'est la COP27, non, c'est la COP24, pardon, la COP24, la dernière c'est la COP24, l'ONU Environnement disait, mais il y a juste eu à peine un tiers des politiques publiques qui ont été faites par rapport aux objectifs fixés durant cette période-là. Donc, c'est vraiment un problème aussi, surtout politique, parce que les entreprises, elles, leur objectif c'est faire de l'argent, hein, ils font pas dans le social, ce qu'ils veulent c'est exploiter de manière extrêmement rentable. Et voilà, donc après c'est aux politiques publiques d'investir et de forcer en fait à une meilleure écologie, enfin une meilleure pratique écologique. Mais vu qu'on va voir le schiste, alors c'est bien, hein, c'est du pétrole, c'est des hydrocarbures, mais on en voit notamment des additifs comme de l'acide, alors c'est 2%, mais c'est de l'acide, on a de la fracturation hydraulique qui peut faire des glissements de terrain, etc. Alors c'est pas constant, mais on n'est pas sur des productions qui sont déjà de base écologique, notamment l'exploitation de l'or. Pareil, on voit des additifs pour diviser en fait le sol, pour essayer de récolter l'or. Donc à chaque fois, le secteur primaire est un secteur polluant, de fait. Du coup, en fait, ça veut dire que il y aura sûrement d'autres façons d'exploiter ces ressources. C'est juste qu'elles ne seront pas écologiques, quoi. Certainement. Après, je suis pas du tout. Voilà, après, je suis pas du tout un expert des méthodes d'exploitation de l'or, du fer, du zinc ou de l'uranium, hein. Je sais comment, grosso modo, c'est exploité, mais j'ai pas une connaissance fine. Donc peut-être qu'il y a des méthodes beaucoup plus écolo, peut-être que c'était impossible, ça je pourrais pas répondre avec pertinence sur la question. Et depuis tout à l'heure, on parle des hydrocarbures, on met l'uranium et l'or de côté, mais on parle des hydrocarbures et on n'a pas encore parlé de l'évolution et de l'exploitation de ressources écolo, justement. Du point de vue d'exploitation de l'énergie, est-ce que y a des programmes qui sont mis en place, des programmes écologiques, qui permettent d'exploiter des ressources naturelles du style énergie solaire ou éolienne, pour remplacer justement, parce qu'un jour, les ressources pétrolifères vont s'épuiser. C'est une ressource finie par essence, donc même si on a rajouté du rab avec le schiste, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Donc, est-ce qu'il y a ce genre d'initiative en Afrique ou pas ? Alors, techniquement, en fait, le continent africain ne pollue quasiment pas. Je crois que, de souvenir, 44,50%, donc 44,5% des émissions de CO2 sont produites juste par les USA et la Chine. Environ 80% de la consommation pétrolière est entre les mains d'une vingtaine, trentaine de pays. Sur 190 et quelques, l'Afrique a... Son empreinte énergétique est faible, donc s'ils font quelque chose, ça va pas beaucoup bouger. Et après, j'ai pas de connaissances s'il y a vraiment une politique publique vis-à-vis de ça. Déjà, faut avoir les moyens pour le faire. Oui, c'est sûr. Mais même si leur empreinte aujourd'hui est faible, avec l'augmentation massive de la population et l'enrichissement qui suit, normalement, tu parlais tout à l'heure de l'exploitation des téléphones portables qui a quintuplé, je sais pas exactement, mais les chiffres sont importants. Je ne sais pas les chiffres non plus. On peut imaginer qu'ils vont se mettre à polluer de plus en plus, mais au-delà de ça, ils pourraient aussi exploiter de nouvelles ressources, c'est-à-dire que si l'énergie solaire, ils en ont à revendre, ils pourraient revendre l'électricité à d'autres, sous réserve qu'on sache vraiment comment le stocker, bien sûr. Mais ils pourraient essayer de revendre l'électricité à d'autres pays ou même d'autres continents. Et du coup, sans forcément parler de leur empreinte énergétique, se créer un nouveau marché ? Potentiellement, oui, on peut le penser. Après, il y a toujours la question de l'investissement de base, et on est sur des pays qui sont pauvres. Au niveau de l'économie du pays, le PIB des pays africains, la plupart, c'est faible, c'est très très faible. Donc, quand des fois ils arrivent à exporter 500 millions, c'est le bout du monde pour certains pays. Pour 500 millions en France, voilà. Donc, pour conclure, en fait, on peut dire que les ressources de l'Afrique du Nord sont plutôt tournées sur le secteur primaire, hydrocarbures, mines d'or, mines d'uranium, comme on l'a dit, que les personnes qui les exploitent, enfin les entreprises qui les exploitent, sont en majorité des entreprises internationales, beaucoup européennes, américaines, mais aussi asiatiques. Donc, voilà, après, il y a bien entendu des entreprises nationales qui existent. Et la dépendance par rapport au monde occidental est à la fois économique, vu que c'est nous qui exploitons, c'est une dépendance à la fois politique, c'est dans bien des cas la France qui intervient militairement et politiquement pour assurer la stabilité de ces pays-là, et économique parce que aussi les flux d'exportation sont majoritairement tournés non pas sur le continent africain, mais sur le continent européen, voire vers la Chine actuellement de plus en plus. Donc on a vraiment cette dépendance. Et là où on a un gros risque, en fait, c'est que, pour résumer, la sécurité de cette région n'est pas du tout actée. Avec un nombre important de groupes terroristes qui évoluent dans des régions désertiques qui sont par définition impossibles à sécuriser, parce qu'il n'y a pas des routes, hein, on peut avancer dans ces régions-là de manière beaucoup plus facile, eh bien, la sécurité économique de ces pays-là n'est pas du tout assurée, ou en tout cas, elle est toujours et elle sera toujours soumise aux pressions politiques étrangères, économiques de l'étranger et sécuritaires de l'intérieur. Donc c'est une zone à risque. Merci beaucoup Yann d'être venu ce mois-ci pour nous parler de l'Afrique et des enjeux énergétiques sur le continent. On serait ravis de te revoir pour un prochain sujet potentiellement sur l'Afrique aussi. Ouais. Après, je ne suis pas que sur l'Afrique, hein, bien entendu, mais pour moi, ça sera un véritable plaisir de revenir dans le podcast Léviathan. Et puis, on vous dit au mois prochain pour un nouveau sujet qui promet d'être passionnant.